Hein? Aya. Kami. Hein? Pour tous les bâtards par le bar derrière, mais devant toi c'est des bandeurs. Ils veulent tester le flou, l'homme guerrière, c'est que sont des têtes à la Highlander. Beaucoup font les mecs, mais c'est des béraux. Son René serait supérieur. Crème dans le pack N440, un déco boulette sur le cuir intérieur. Les voitures et les flingues automatiques, pour faire le deal, c'est les mêmes tactiques. Y'a du produit à l'arrive dans le plastique, et les clients trouvent ça fantastique. En temps de haine, ça consomme des sticks. Parfois je vois des schlags sous ta hobby. On laisse pas de preuves pour la balistique. Tout ça, la fille de bif demande à Dobby. Faut avoir du vice à la bande d'Oli. Arrête de garoche, ma bande est là. Ça monte au bras gros pour des broutilles. Ça prend des grosses peines à la Mandela. Tu peux le voyer ou quand t'es plus sûr. Je te sens plus fort comme je pompais là. Trop de fils de parle par derrière. Mais ça fait des suceurs photo quand t'es là. De nos jours les petits font des gros délits. Chacun pour soi comme les livres des lits. Je connaissais des mecs, ils étaient au top. Ils ont fini par rouler comme Balotelli. Y'a ceux qui dorment et y'a ceux qui pissent. Opportuniste à la fuite bon plein. Dans la vie y'a ceux qui trouvent les idées. Et ceux qui suivent à la rente en plein. Chacun son équipe, chacun son clan. On a été élevé au mode vitesse. Roue arrière, ça passe les vitesses. Cette pour l'oseille, y'a pas de politesse. Pour nourrir les siens, y'a pas de sous-métier. Sur les savoir faire soldat comme le toute l'apparence de paix ou d'olté. C'est le prix que le pouvoir, la mort ou t'étais. Salope ou t'étais quand j'étais un chien. T'as jamais rasé mais tu me fais l'ancien. Trop de gens mauvais, très peu de gens bien. On fait des choses de bon cœur, on compte pas combien. Faut te souvenir toi d'où tu viens. Si tu ne sais plus où aller, dis-toi qu'un jour la roue tournera. Même si la roue est voilée. Ça fait les dernières tapes, dernier iPhone 10. Tout se mouille comme une femme fontaine. Résume charfie à perte l'antenne. J'expérimente les rimes par centaines. Nous savons la crème dans tous les secteurs. Beaucoup parlent devant les spectateurs. Ça joue des rôles, beaucoup trop d'acteurs. Si ça parle, parle, parle, beaucoup de jacteurs. Beaucoup parlent pour nada, prennent pour des fadas. Y'a pas de sentiments salopes, si tu te manques, on devait danser la lambada. Ça reste de Porsche de Lambo, posé en fumée dans le Clio DCI. ZZ dans T-Max, GDI. Ça dégrave sur le terre, terre en CDI. Ça panique en cas de perquisition. Ça jette la coque dans les WC. Pourtant je fais très peu de connexion. Trop de rappeurs en PVC. On n'a pas besoin d'un grave de C. Tu voulais du rap, on va te donner ça. Pourtant ça reste de quitter les bitumes. Ça reste de décor comme dans Talassa. Depuis la madame, ça sera vie grave. Trop de putes, ça t'aimait les graves. Ils font les hommes en vrai, c'est des traves. Que des petites putes qui se prennent pour des braves. Devant l'OPJ, ils ont tendance à braver. 24 heures, ça passe aux aveux. Ça supporte pas la GAV. Tout le monde t'en veut et même le baveux, la putain de son père. Je compte sur son père. S'il est dans le besoin, je ferai tout pour mon compère. Ouais, poto, je préfère avoir un ennemi qu'une salope de pote. Y'a celui qui agit et celui qui papote. Y'a trop de petites salopes. Le terre-terre est bondé, chacun pour soi sa galope. Quand y'a les condés, c'est chacun pour sa gueule. À part pour foutre le spell, j'ai le son qui casse des gueules. Qu'est-ce qu'ils veulent? Des sons terre-terre de la jungle.